Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Zibatosta shayon drkarakama, autosupa mota, uaichida shayon chiridi. Zibatosta shayon drkarakama, autosupa mota, uaichida shayon chiridi. Montrez-moi où est l'enveloppe. Motakarakreichi poka chirida. Motakarakreichi poka chirida. Montrez-moi où est la clé. Motakarakreichi kili chirida. Motakarakreichi kili chirida. Montrez-moi où est le rasoir. Motakarakreichi digiri moshin chirida. Motakarakreichi digiri moshin chirida. Montrez-moi où est le verre. Mota akarakreichi gilas chirida. Mota akarakreichi gilas chirida. Montrez-moi où est le crayon. Mota akarakreichi pencil chirida. Mota akarakreichi pencil chirida. Montrez-moi où est le téléphone. Motakarakreichi telefon chirida. Motakarakreichi telefon chirida. Montrez-moi où est la montre. Motakarakreichi sa'at chirida. Motakarakreichi sa'at chirida. Montrez-moi où sont les ciseaux. Motakarakreichi qaychi chirida. Motakarakreichi che qaychi chirida. Montrez-moi où est le peigne. Motakarakreichi shana chirida. Motakarakreichi shana chirida. Montrez-moi où sont les lunettes. Motakarakreichi ainake chiridi. Motakarakreichi ainake chiridi.